Bon, je suis sur le site de la SNCF. Alors, aller-retour, départ Paris, arrivée Brest. Date de départ? Le 23 octobre. Ah oui. 23-10. Et le retour? Le 30 octobre. 30-10. Voilà. Alors, il y a trois trains le matin, 5h30, 7h50 et 10h10. À quelle heure tu veux partir? Oh là là, 7h50, c'est tôt. 5h30, c'est pire. 10h10, c'est mieux. On arrive vers 14h à la gare de Brest. D'accord, 10h10. Et pour le retour, 14h, 16h50 ou 18h. Qu'est-ce que tu préfères? J'aime mieux partir à 14h. Ok, 14h, c'est bien. Voilà, c'est réservé. On a les billets. Voyons le logement maintenant. Oui, je vais sur meilleursejour.com. Alors, la ville, Brest. Ensuite, qu'est-ce que tu préfères? Un hôtel ou une chambre d'hôte? Les chambres d'hôtes sont aussi confortables que les hôtels et souvent moins chères. Et les petits déjeuners sont meilleurs qu'à l'hôtel, non? Et puis, on est chez les habitants, c'est sympa. D'accord. Alors, je coche chambre d'hôte. Et on choisit chambre double. Ensuite, prix par nuit? Oh, je ne sais pas trop. Attends, essaye 30 à 49 euros. D'accord. Hop, rechercher. Oh, regarde, le Clos Fleuri. Ça a l'air pas mal, hein? Les chambres sont grandes. On réserve? Je ne suis pas sûre. Il y a aussi chez Clara et Jacques. Leur chambre est plus chère que la chambre du Clos Fleuri, mais elle est plus proche du centre-ville. Oh, j'hésite. Je préfère loger près du centre. Et puis, regarde la photo. La chambre est plus claire et plus confortable. Il y a une baignoire dans la salle de bain. Oui, tu as raison. Allez, on réserve la deuxième chambre. Chez Clara et Jacques, donc. Et pour les services, est-ce qu'il y a du Wi-Fi? Je ne sais pas. On peut envoyer un mail pour demander des précisions.